Comme certains d'entre vous ont eu l'occasion de le dire, une des raisons pour lesquelles on se retrouve aujourd'hui, c'est bien sûr les mobilisations relatives à l'actualité socio-éducative à l'école et à l'université. Tout le monde est au courant des réformes qui sont proposées et qui sont d'ores et déjà votées pour la plupart. Elles pourront peut-être être listées au cours des interventions et du débat, bien sûr. Elles ont donné lieu à des protestations, souvent indignées, véhémentes. On aura l'occasion de revoir pourquoi, au nom des critères d'égalité, de liberté aussi, de choix, de son avenir, de son développement personnel, etc. Alors, toujours est-il que dans ce contexte de résistance, enfin, du moins de débat sociopolitique relativement intense, que cette séance a lieu. Le titre étant la démocratisation de l'éducation nationale et de l'université, conditions de leur refondation. Le mot refondation faisant évidemment implicitement penser à la loi d'orientation de 2013, sur laquelle on pourra faire un minimum de bilan pour voir en quoi il y a eu quand même des acquis, il faut l'espérer, mais aussi certains passifs que nous sommes en train de solder à grands frais actuellement. Voilà, c'est une des hypothèses qui peut être retenue pour la discussion qui va suivre. Voilà, alors au-delà du contexte troublé sur le plan socio-éducatif, vous avez aussi ce contexte géopolitique qui a des répercussions dans les quartiers populaires et donc dans les établissements des quartiers populaires et qui s'appelle la guerre contre le terrorisme et bien sûr la banalisation de l'état d'urgence sous la forme de lois ordinaires qui font que maintenant les libertés publiques, les libertés de s'exprimer en opposition parfois à des réformes peuvent être largement d'une manière ou d'une autre entravées. Voilà, donc c'est dans ce contexte finalement que de se situer notre problématique, qui évidemment va un peu à contre-courant. On en discutait avec Michel tout à l'heure. Est-ce que le rapport des forces est favorable actuellement à une véritable démocratisation des deux institutions précitées? On comprend bien que non. Mais sans doute faut-il avoir peut-être une longueur d'avance. C'est un peu comme ça que les forces intellectuelles tentent de se prédisposer pour contribuer à leur manière à ce que le débat public soit dépassionné, pacifié et puisse aller vers des remédiations plus progressistes. Voilà. Donc, je ne listerai peut-être pas tous les éléments qui ont été donnés dans le texte de présentation, de protestation d'enseignants, parce que l'angle d'attaque qu'on a voulu prendre, c'est celui de la condition enseignante, bon, dans l'éducation nationale, singulièrement dans le secondaire, mais aussi à l'université, ça va être l'objet d'une intervention, parce qu'il nous semble quand même que c'est un angle mort de la réflexion. Bon, les syndicats, moi j'aurai l'occasion de les citer, ils en parlent bien sûr. La souffrance au travail, bon, c'est quand même un thème qui est reconnu, d'accord. Mais ça ne fait pas partie quand même des fondamentaux, à mon avis, de la vie syndicale, parce que on n'a pas encore vraiment évalué les dégâts qui sont commis depuis une décennie par une espèce de culture de la violence systématisée, que ce soit au sommet, bien sûr, orchestré au sommet, on aura l'occasion d'en parler, la fameuse gouvernance, mais aussi quand même au terrain, par le biais des déceptions, tout le phénomène aussi de contre-culture néolibérale qui est induite au niveau des médias et auprès de certains publics scolaires. Tous ces phénomènes interférents conduisent à une culture de la violence dont certains acteurs n'ont pas forcément établi la part de nuisance, et spécialement au niveau du monde enseignant, qui est quand même le pilier du système éducatif. Voilà. Sans ce pilier-là, l'édifice risque évidemment de s'écrouler, voilà, ou tout du moins d'être évidemment mis un peu à mal. Voilà, alors donc je pense que je vais arrêter là pour la présentation et donc donner la parole à Bruno Andréotti pour une intervention sur le thème « Analyser les processus de dépossession des universitaires, néo-management et théorie du capital humain, cas de Parcoursup et de la loi ORU ».